Près de cet endroit reposent les restes d'un être qui posséda la beauté sans la vanité, la force sans l'insolence, le courage sans la férocité, et toutes les vertus de l'homme sans ses vices. Cet éloge, qui serait une absurde flatterie s'il était inscrit au-dessus de cendres humaines, n'est qu'un juste tribut à la mémoire de Baudouin, un chien né à Terre-Neuve le 8 mai 1803 et mort à Wenshead Abbey le 18 novembre 1808. Byron. Yeah.